Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. On va parler avec notre ami Jean Gounel, qui a été très généreux de son temps pendant la Coupe du Monde, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. On va faire le bilan de cette magnifique Coupe du Monde. Salut Jean. Salut. Jean, si on parlait un peu, la France a gagné. En début de la Coupe du Monde, est-ce que tu t'attendais que la France allait être l'équipe qui pourrait faire un bon bout de chemin, tout le moins? Ouais. Ouais. Oui. On ciblait quelques équipes capables d'aller loin, de tenir tout le tournoi, elles en faisaient partie. Peut-être pas au même rang que des équipes que pratiquement tout le monde avançait, comme le Brésil ou l'Allemagne, elles venaient juste derrière. La France, la Belgique, l'Espagne, c'était les noms qui revenaient le plus souvent, hein. Ouais. Avec donc Brésil et Allemagne qui étaient dans la plupart des pronostics, mais ça fait bien 6 mois déjà. Bon, la Belgique, on la connaissait déjà. Ouais. Et puis, la France, de ce qu'on avait vu à l'Euro et des petits rajouts qui avaient été faits, elle semblait suffisamment solide pour durer dans le tournoi. La plus grosse surprise, c'est quoi? La Belgique? Non, justement non. Pas, parce que la Belgique, on l'attendait. Okay. La Belgique, elle a raté probablement plus l'Euro il y a 2 ans qu'elle aurait été en mesure de gagner. Okay. Et si elle avait été à son potentiel vraiment à ce moment-là, elle serait arrivée dans cette Coupe du Monde clairement parmi les gros favoris, alors que on la mentionnait, comme j'ai dit, régulièrement, avec un point d'interrogation peut-être. Okay. Non, c'est pas la Belgique. Je pense que, est-ce qu'il y a une véritable grosse surprise? La Croatie, tout le monde sait, on sait depuis longtemps que c'est une équipe qui est bourrée de talent, mais qui a, dans les gros tournois, a réussi à pratiquement à chaque fois à danser d'un pied où elle montre des choses extraordinaires, sur l'autre où elle est capable de passer complètement au travers à un moment et de se faire éliminer. On se demande encore comment ça se passe, quoi. Et donc la Croatie, qu'elle arrive à maintenir cette régularité d'un bout à l'autre du tournoi pour arriver en finale, c'est peut-être là que c'est une surprise, mais encore une fois, c'est un groupe, et on le voit là clairement, qui est bourré de talent. Mais c'est un esprit de groupe également, la Croatie, là. Tu sais, on a vu hier qu'en début de match, il contrôlait la France un peu, là. On l'a vu hier. Plus qu'un peu, oui, ouais. Absolument. Il y avait vraiment une volonté de groupe, effectivement, d'aller réussir quelque chose d'absolument incroyable. Et ça, c'est tout à son crédit. Ouais. Vraiment rentré pour jouer à fond, malgré tout ce qu'on avait pu dire sur la fatigue, sur le fait qu'elle était peut-être un peu plus limitée. Disons qu'elle avait clairement moins de profondeur sur le banc que les autres nations, et en particulier la France. Il y a un 11 de départ, mettons qu'il y a 2-3 joueurs qui sont capables de venir du banc et s'intégrer au jeu et qui peuvent apporter quelque chose, mais sinon il y a clairement une équipe de base qui était claire et nette et qu'on a retrouvé pratiquement tout le temps. Et c'est vrai qu'ensuite c'était peut-être c'était des très bons joueurs, mais aucun capable de basculer un match. Ok, Jean, si on parlait un peu hier aussi, moi je pense que c'est le penalty qui a fait la différence, hein. C'est à ce moment-là que ça a changé un petit peu le momentum du match, là. Ah, il fait une différence monumentale, c'est ça. Ouais, ok. La plus grande déception, l'Allemagne? L'Allemagne a été une déception, ouais. Certainement, parce que elle semblait avoir fait les choses comme il faut, à savoir avoir tenté de à la fois de renouveler, mais on en a déjà discuté durant le tournoi, c'est pas toujours facile, quand on dit il y a eu un problème de renouvellement, je crois que c'est très facile à dire, mais très difficile à exécuter. mais qu'elle elle n'est pas variée, qu'elle n'ait pas su varier sa façon d'approcher les choses, voir les adversaires, parce que une des forces de la Croatie, c'est sa capacité à s'adapter aussi, d'adapter son jeu plus exactement à ce que l'adversaire a proposé à chaque fois. Ça, l'Allemagne en a été incapable, et dès qu'il y a eu un problème, on a senti qu'elle coinçait. Parce qu'elle a coincé à chacun de ses matchs de groupe, hein. Ça a été contre le Mexique au départ. Contre la Suède, il y a eu ce but de la toute dernière minute qui lui a permis de gagner, mais l'impression générale, c'est que pendant 90 minutes, elle a été incapable de débloquer la Suède. Et le troisième match contre la Corée, où là, elle aurait pu jouer 5 heures à continuer d'attaquer, elle n'aurait pas marqué parce qu'il manquait quelque chose devant. C'est un problème qui ne tient pas simplement sur un match ou un événement, mais qui est beaucoup plus général que ça. OK. Ce matin, je lisais un article de France Football où ce que on suggère peut-être à Didier Deschamps de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France, un peu comme Zidane, partir dans la gloire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou comme comme Aimé Jacquet en 98, hein, et très exactement. Je pense que c'est une option. Je pense que là, il est arrivé. Ça fait quoi, 5 ans maintenant qu'il est à la tête de la sélection. Parce que rappelle-toi ce qui est arrivé. Le diable est aux vaches, comme excuse-moi l'expression, mais c'était ça pareil. Là, ça allait nulle part. C'est Deschamps qui avait mis de l'autre dans la cabane. Là. Il y avait un problème de chimie majeure. Il a fait toute une job là. Ben oui, il a fait un énorme travail. Il y a déjà un gros travail qui avait été effectué juste avant lui par Laurent Blanc, hein, ouais. Qui était de récupérer les morceaux de la Coupe du Monde 2010, très exactement, où l'équipe de France avait totalement explosé. Il y avait eu des problèmes sportifs et parasportifs, on va dire, au point que ça avait fait un scandale national, et où il y avait un public qui était totalement dissocié de l'équipe. Hein, il n'y avait plus de relations du tout. Donc Blanc a réparé les morceaux et c'était un énorme chantier. Bon, il a dû partir dans des circonstances un peu extraordinaires, disons, et Deschamps qui était là, logique, hein, Deschamps, c'était certain qu'à un moment ou un autre, il arriverait à la tête de l'équipe de France, est arrivé. Bon, il a apporté une méthode, il a apporté sa façon de voir qui est assez carrée. On l'a vu en club avec la Juventus ou avec Monaco, il y a certaines idées et un plan qu'il suit, en particulier dans sa sélection des joueurs et de ce qu'il demande à son groupe. Donc on savait qu'il y avait une idée générale. Après, elle est restée quand même un petit peu floue pendant des années. Mais c'est vrai que depuis, il y a eu un énorme travail qui a été fait. Beaucoup il est allé rechercher beaucoup de jeunes joueurs. Il leur a fait confiance et il les a mis dans un environnement qui était extraordinairement favorable. Après, donc, pour revenir à la question, est-ce qu'il devrait quitter? C'est dur. Mais je pense que oui. Oui, hein. Je pense que arriver en disant regarde, voilà, moi ce gars-là, je les ai amenés le plus loin que je pouvais. Est-ce qu'il est temps de passer, d'avoir quelqu'un qui soit capable de leur apporter quelque chose ou de leur demander quelque chose de plus, peut-être. Peut-être. Je pense que c'est une réflexion qui est intéressante à avoir et qui pourrait éviter le marasme dans lequel certaines équipes qui sont arrivées au sommet se sont retrouvées récemment. L'Allemagne en est un exemple. Peut-être que l'Espagne, 4 ans plus tôt, en est un exemple aussi. Donc il y a peut-être une réflexion là-dessus, certainement. OK. La France comme équipe, l'avenir est très prometteur, pareil, avec MKB. Mbappé, excusez-moi, je l'ai mal prononcé. Mbappé, ouais. C'est certain. Bon, on le suivait, on le connaissait depuis quelques temps déjà, mais on l'a dit, hein, il n'a pas 20 ans. Ça fait quand il a commencé à vraiment se reconnaître, à exploser à Monaco, tout le monde a dit « Wow, il y a vraiment quelque chose là ». Et on commençait déjà à l'époque, donc il y a un an et demi, à parler d'un futur Thierry Henry. C'est certain que il n'a fait que se bonifier. Il a eu une saison difficile à Paris, donc quand il a été transféré l'année dernière à Paris, parce qu'il est tombé là dans une équipe où c'est certainement pas la vedette, où il arrivait avec tout de même tous les attributs d'une vedette, mais à côté il y avait Neymar, il y avait Cavani, il y avait Thiago Silva, il y avait c'était Dani Alves, c'était il arrive là, fait épreuve à un très très haut niveau. Et comme toute l'équipe, il a connu une saison un peu délicate, disons. Ouais. Dis-moi, est-ce que c'est la plus belle Coupe du Monde que tu as vue? Non. Non? Non, parce que elle était belle dans le sens où elle a apporté beaucoup d'émotions, beaucoup de drames. Mm. Elle a fait vraiment vivre. C'est une Coupe du Monde qui a vécu, qui a bien vécu, qui a été riche. Il y a toujours un petit... Bon, ça c'est être un peu difficile, mais peut-être que le jeu proposé a pas toujours été ce qu'on pouvait attendre. Il n'y a pas eu de grandes innovations dans le jeu, par exemple. Il y a eu des petites choses qui sont très intéressantes pour l'avenir. Par exemple, le fait que maintenant, les équipes qui dépendent d'un joueur vedette, elles vont pas loin. Il faut beaucoup plus que ça. Ou en tout cas, des joueurs vedettes, mais qui soient intégrés totalement dans le groupe. Ça, c'est un enseignement. Deuxièmement, les blocs, on voit des équipes qui jouent en bloc, complètement. Ça empêche parfois le jeu un petit peu de se développer librement, clairement. On a des équipes qui ont adopté très nettement des styles assez défensifs en réaction à d'autres équipes. C'est une avancée normale. Et par contre, il est certain que maintenant, dans une Coupe du Monde, on ne demande pas non plus à la Coupe du Monde d'être ce qui se fait de mieux dans le style de football. Ce qu'on lui demande, c'est de nous offrir des matchs qui apportent du plaisir, qui soient festifs, qui apportent du drame, des événements. Et là-dessus, on a été gâtés. Ben moi, ce que je retiens, moi, Jean, c'est de... Et puis ça, je t'en avais parlé dans une de nos chroniques récemment, c'est que l'arrivée de plusieurs équipes nouvelles, la Suède, entre autres, et d'autres formations, même la Belgique, quoi, tu disais qu'elle était arrivée. Tu sais, on a vu des équipes, la Russie, et ainsi de suite, qui a progressé. Moi, je pense que c'est bon pour le soccer, ça, de voir de nouvelles équipes, puis pas voir l'Italie, toujours les mêmes, l'Italie, Brésil, l'Allemagne. Le problème qu'on a, Denis, c'est que ce sont des cycles. C'est que il y a une force qui existe au départ, qui fait que les grands pays, les gros pays qui ont une forte démographie, qui ont beaucoup de moyens dans les infrastructures, dans le développement, dans l'encadrement des joueurs, vont toujours sortir des bonnes équipes. Des pays qui ont moins de capacité et de potentiel à ce niveau-là, sont plus tenus à avoir des très bonnes générations, mais aussi des générations qui vont avoir des creux. Donc c'est vraiment un phénomène de vague, en fait. Donc il y a des moments où un pays va arriver avec quelque chose d'extraordinaire. Je pense à l'Islande qui est au maximum de ce qu'elle peut faire actuellement avec une génération de joueurs. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, l'Islande sera encore à ce niveau-là. Peut-être, et c'est tant mieux pour elle, mais il y aura sans doute d'autres équipes qui vont regarder le modèle ou qui vont essayer de développer des choses à leur façon. Mais c'est forcément plus difficile dans des pays qui ont des moyens moindres que des gros pays comme l'Italie, la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Effectivement. C'est clair. OK. Dernier point, c'est en 2022, c'est au Qatar. Est-ce que la Coupe du Monde va se jouer en plein hiver? Ben oui. On n'a pas entendu parler, puis ça veut dire que ce sera au mois de décembre. Est-ce que c'est possible? Novembre-décembre. À première vue, on se dirige vers ça, oui, absolument. D'abord, parce que une Coupe du Monde au Qatar, c'est impossible. Et on peut tourner les choses dans n'importe quel sens. C'est impossible à faire. C'est insoutenable pour les joueurs, et c'est avant tout ce qu'il faut penser. On prend par n'importe quel bout, on dit économiquement, ceci, cela, mais économiquement, si tu présentes un produit qui est ridicule avec des joueurs qui sont incapables de courir, il devrait y avoir des répercussions financières parce que ton produit il sera nul. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est pas possible de le faire en été. Alors, la solution logique, c'est de le faire en novembre-décembre. Mais les grands circuits européens comme la Premiership ou encore l'Espagne, l'Italie, la Liga ou encore en France, eux autres ça les dérange pas d'arrêter en pleine... Ça va les déranger très certainement. Parce qu'on l'a vu dans la Ligue nationale de hockey avec les Olympiques, c'est un peu le même principe, non? Il y aura très clairement une trêve qui sera adoptée dans tous les pays où les championnats ou les grandes compétitions devront s'arrêter ou continuer mais de façon disons très sporadique. Je sais pas si on va le prendre comme exemple, mais la MLS a fonctionné, et je le prends il y a 4 ans, par exemple. Ouais. La MLS avait fonctionné alors que l'équipe américaine était à la Coupe du Monde. Hein. Ouais, ouais. Il y a eu beaucoup moins de matchs, c'est certain. Il y a eu vraiment... on avait vraiment largement ralenti la cadence, mais bon, il y a quand même eu des petites choses. Mais il est certain que si on se dirige vraiment vers une Coupe du Monde comme ça, donc fin 2022, les grandes ligues devront s'adapter. Après, ce sera une question de compensation et d'arrangement financier. Hein. Oui, effectivement. Jean, il me reste qu'à te remercier. Ça fut fort agréable, très généreux de ton temps. C'est fort intéressant. Puis au plaisir de se reparler de soccer, c'est toujours le fun. Puis encore une fois, merci. Ben c'est moi qui remercie et puis je continue, c'est super et puis c'est vraiment un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup, donc Jean Gounel du Réseau des Sports.